tendez vos mains, meurtrissent mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour... Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors bon, la programmation d'aujourd'hui, ben, on vous propose du zouk antillais, mais ça, bon, vous connaissez. Un voyage musical en Corse, trois coups de chapeau à Patrick Fiori et une balade autour des villes corses. Allez, sans plus tarder, place au zouk. Joyce, de son nom Joyce Moreno, est une chanteuse-compositrice. Son style évolue entre le jazz, la bossa nova et occasionnellement la samba. Ça y est doux, Joyce. Corse, ben la Corse, c'est la quatrième île de la mer Méditerranée, par sa superficie, ben 8800 km², avec une population de 330 000 habitants. La Corse, contre son gré, a été rachetée par la France à la République de Gênes en 1768. Alors si je calcule bien, Yves, ça va bientôt faire 250 ans. C'est bien ça. Non, ça les a passés. Ouais. Ils n'ont jamais trop bien digéré. Hein. Deux départements, Corse du Sud avec Ajaccio et Haute-Corse avec Bastia. Les villes principales, Ajaccio, 65 000 habitants, Bastia, 43 000, Porto Vecchio, 11 000 habitants, et toutes les autres villes ont une population inférieure à 10 000 habitants. J'ai bien dit, toutes les autres villes ont une population inférieure à 10 000 habitants, et nous allons y revenir presque tout de suite. Des paysages variés, des villes côtières chics, des forêts denses et des montagnes escarpées, et puis beaucoup d'idées reçues concernant la réputation des Corses. Alors, vrai ou faux ? Les Corses n'aiment pas les touristes. Vrai ou faux ? Eh, ça se discute. Alors, il est vrai que la plupart des villes corses ont une population inférieure à 10 000 habitants. Donc, ce sont de petites villes sur la côte, voire même des villages. Et puis, en Méditerranée, il y a des croisières, beaucoup de croisières. Et sur les bateaux des croisières, il y a beaucoup de passagers. Et alors, quand il y a une escale dans une petite ville de 3 000 ou 4 000 habitants, par exemple, en Corse, et qui déboule dans la ville en question 6 à 800 passagers, ben, c'est clair que ça change les choses. Alors, certes, certains commerçants vont se frotter un petit peu les mains, quoique ça risque fort de désorganiser leurs ventes si ce n'est pas régulier, mais on ne peut pas nier le fait que ça va créer des nuisances. Donc, les Corses n'aiment-ils pas les touristes ou pas ? Ben, ils n'aiment ni ne les détestent, mais le tourisme est avant tout une activité qui a ses avantages et ses nuisances. Bon, et puis il faut bien reconnaître une chose, c'est que les Corses n'ont jamais digéré d'avoir été rachetés. C'est pas contre la France, mais d'avoir été rachetés contre leur gré. Et quand on voit débouler, par exemple, des touristes qui arrivent en terrain conquis, ah, ça doit pas leur faire plaisir quand même. Allez, autre possibilité. Les Corses sont-ils mafieux ? Vrai ou faux ? Bon non, la majorité ne l'est pas. Cela dit, il y a quand même quelques gangsters sur l'île. Les Corses sont machos. Ah ben, si les hommes occupent des positions avantageuses, ce sont les femmes qui commandent. Ben oui, c'est comme en France, hein. C'est comme chez nous. Les Corses vénèrent leur mère, vrai ou faux ? Ah ben oui, ça, sans l'ombre d'un doute. Autre affirmation, les Corses sont feignants. Bah, faux, mais bon, il faut comprendre, ils ne travaillent pas sous 40 degrés, mais ils savent se lever tôt et se coucher tard pour compenser. Les Corses sont-ils susceptibles ? Ah oui, c'est bien vrai, ça. Les Corses n'ont pas d'humour. Ben, ça, c'est faux, c'est une erreur complète. La Corse, c'est le pays de l'esprit, de la légèreté. La Corse est le pays des blagues. Et, bon, les Bastiais et les Ajacciens se détestent. Peut-être pas tout à fait ça. Ils sont plutôt comme des frères en concurrence, chacun étant persuadé d'incarner toutes les qualités du monde. Chanson corse. Mi ne vigu vitalba. Orizzonti portato da un mare peregrino eterno, que neve che stanno appesi ai monti, carezze di silenzio rigalo di l'inverno, pull'uomo spiranzoso fidiendo aspirata che venia risplende mezza un tempo rale pull'ancio silenzioso chi ha chieda tracciata con di luna accendo più alto sciabale. Ne ho da contare queste di soli, già si giù spera e poi le darità. Ne ho nova conta e voleste di soli già si tu spera e pure d'ernida Gino qua su onde uce un turchino due vasso di solo un'onda dice un tempo di no messaggero divino chi tramonda l'iea un modo più felice quanto mistroso chi gira cento di pace ogni sera chiesa dolce labbra di un fiume furioso chi bambizza risponde e l'immensa dolcezza di un fiore di sapre mi ne ho da contare pureste di soli ti assi di spera e pole d'anità e ho da conta e vuoiste di soli di assi di uspera e pure d'ernida colucci illuminati dai orli d'aprile impastati d'amore carichi da giadezza cui cori infuriati da usintimo sutile da parte da terra e ai sue bellezze con l'uomo incatenato più di stella lì allora chi a notte stende usore a me cu sogno strappato e cerca d'armonia di sciocchi di adua verso l'alba chi ci ama mi ne ho da contare pureste di soli di assi di uspera e pure d'enità mi ne ho da contare pureste di soli di assi di uspera e pure d'enità mi ne ho da contare pureste di soli si di uspera e poi eternità e poi eternità Premier coup de chapeau à Patrick Fiori. Alors Patrick Fiori, bon, c'est un chanteur, auteur, compositeur français d'origine arménienne, né en 1969 à Marseille, mais qui réside en Corse. Et il s'est fait connaître du grand public en interprétant le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Tout ça, c'était en 1998. Là, il va nous chanter un duo avec soprano chez nous. Hago! Seven! Nous étions sur le même bateau? Eh oui, mais moi je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif? C'est définitif, oui. On avait traversé les mers retour. Les portes closes à double tour. C'était la liberté, la France. Nous s'aimer fiancé déjà. On avait traversé. Julien Doré, auteur, compositeur, musicien et acteur français, est né en 1982 et il s'est fait connaître après avoir gagné la cinquième saison de La Nouvelle Star. C'était en 2007. La chanson Porto Vecchio que nous allons vous passer pour illustrer la promenade autour du nom des villes corses évoque une aventure qui a eu lieu sur le bateau, un bateau qui portait le nom de Porto Vecchio. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Un soupir se dessine sur le Porto Vecchio. Tu me lâches la main sur le Porto Vecchio. Je reviendrai demain sur le Porto Vecchio pour oublier ton corps et mieux tourner la page. Allez, casse-toi, Porto Vecchio, Julien Doré. Dans l'océan de flammes. Darius Denon, c'est un auteur-compositeur, interprète et arrangeur français originaire de Saint-Claude. Non, pas dans le Jura, Saint-Claude aux Antilles. Je cherche en vain les mots pour écrire ce que je ressens. C'est le vide autour de moi quand tu t'en vas. Puisque c'est ainsi, Darius Denon. L'heure est venue d'adresser mes plus plates excuses aux nombreux Corses qui nous écoutent, enfin nombreux, Dieu seul le sait, pour la prononciation de toutes les villes, les sites corses que je vais vous, dont je vais vous parler. Mais je vous assure, je fais ce que je peux. Et puis c'est pas si souvent qu'on parle des Corses à l'antenne, alors excusez-moi. Et puis si vous n'êtes pas content, eh bien allez sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle La Cerise sur le Canto-Patchwork. Et puis vous dites que vous n'êtes pas content, voilà. Allez, presque la moitié du territoire de l'île constitue un parc naturel où il est possible de randonner, notamment sur le GR20, réputé pour sa difficulté. Alors, certaines plages de l'île sont très fréquentées, comme Pietra Corbara, d'autres sont assez isolées, comme Saleccia et Rondinara. À ne pas manquer en Corse, les calanques de Piana, sur la côte ouest, à Piana, entre Ajaccio et Calvi. Il s'agit de formations géologiques spectaculaires de roches rouges surplombant la Méditerranée. Le Cap Corse, une péninsule située au nord-est de la Corse, alors pour la plage, la pêche et la randonnée terrestre, on pourra d'ailleurs y déguster le Cap Corse, une boisson inventée en 1872, un assemblage de mistel c'est un cru, et de quinquina. La réserve naturelle de Scandola, une réserve côtière avec une eau transparente, une vie marine riche, et des oiseaux de mer, cormorans et aigles. Et puis les îles Lavezzi, un archipel de 23 îles, et récifs granitiques situés au sud-est de Bonifacio, et il s'agit du point le plus méridional de la Corse. Et puis n'oublions pas la plage de Palombaggia, les aiguilles de Bavella, la plage Santa Giulia, le désert des Agréates et la station préhistorique de Filitosa. Allez, chanson corse et même une chanson populaire, Canta u Populu Corsa Viaggi. Scoprevantissimo nadi, come la cieli veneti, chi si lasciano divetteti, quando la vane l'inguernata, quando la vane l'inguernata, si mu sempre valì. Si mo sempre me duale mo se povo sempre me nulle scuse e povo inulle isfate e povo inulle isfate. Ma la speranza chi ci muove dalle orie, chi ci mette l'aria ai bei e ci accarezza volentieri come l'acqua non può le foglie, come l'acqua non può le foglie. Deuxième coup de chapeau à Patrick Fiori. On ne s'y trompe pas, Patrick Fiori, c'est une des plus belles voix actuelles de la chanson française. Alors, de nombreuses récompenses, bien entendu. En 1992, il reçoit le prix SACEM. En 1993, il se classe quatrième au concours de l'Eurovision avec la chanson Mama Corsica. 1999, victoire de la musique avec Belle, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. En 2006, l'étoile de la générosité de Chéri FM et disque de platine avec Les choses de la vie. 2011, trophée spécial pour fêter les 20 ans de l'indépendance de l'Arménie. 2014, World Live Awards Moscou. 2016, médaille de la ville d'Ajaccio. J'ai tout mon temps, Patrick Fiori. Je vais ranger tous les placards, mettre de l'ordre dans mes idées, tuer les mouches et mon cafard, gommer les doutes, tout réparer, tout réparer. Je vais penser à faire le plein de la voiture et du frigo, je vais planter dans le jardin de la verveine des coquelicots, des coquelicots. Et moi j'ai tout mon temps. blottis dans tes silences. Tu peux choisir l'instant et revenir à l'évidence. Moi j'ai tout mon temps. Un duo corse des années 60 est l'une des villes les plus touristiques de la région Corse, Calvi. Le pêcheur de Calvi, Pascal et Dominique. J'avais le cœur content, la vie plaisante, lorsque j'étais pêcheur à Calvi. Je n'avais jamais l'humeur méchante, je n'avais pas d'argent mais des amis. Mais pour chercher la fortune, j'ai voulu partir de Calvi. Oh, quelle folie, décrocher la lune dans des pays détrempés par la pluie. Aujourd'hui c'est sur ma mandoline que j'accompagne un air de mon pays, une chanson fidèle et câline que j'aimais quand j'étais pêcheur à Calvi. Calvi si belle, dans l'or du couchant les soirs d'été. Calvi éternelle, que je n'aurais jamais, jamais dû quitter. Bien avant que le matin se lève, lorsque j'étais pêcheur à Calvi, dans l'obscurité loin de la grève, nos barques s'en allaient au loin sans bruit. Mais quand j'aurai la fortune, quand j'aurai gagné le droit de revenir chez moi, pourvu que ma brune soit toujours là pour partager ma joie. Mais si le destin m'était contraire, et si la chance obstinément m'oublie, je reviendrai pauvre et solitaire, pour terminer ma vie de pêcheur à Calvi. Pour terminer ma vie de pêcheur à Calvi. Pour terminer ma vie de pêcheur à Calvi. Bon, si on allait casser la croûte, c'est l'heure, Yves, hein? Vous aimez bien les spécialités gastronomiques corses? Oui, je sais pas. Ben, il faut goûter, hein. Alors, tout d'abord, le bruccio, le fromage emblématique corse, obtenu avec du lait de brebis ou alors du lait de chèvre. Les beignets au bruccio, avec une texture croustillante et moelleuse, à déguster avec une petite sauce tomate. Et puis, les tartelettes aux herbes, avec une pâte brisée, j'ai bien dit brisée, pas feuilletée, garni de blettes et d'épinards, crème et herbes aromatiques. Le fiadone, un classique de la pâtisserie corse, c'est un flan parfumé au citron, à base de bruccio, à déguster bien froid, quelquefois arrosé d'eau de vie ou de liqueur de citron. Et puis le veau aux olives, qui demande un temps de cuisson assez long, servi avec des pâtes, des pommes de terre ou de la polenta. Les canistrelli, des biscuits secs aux amandes, au citron ou à l'anis, à tremper dans le café du petit-déjeuner ou à l'heure du thé. Et puis le gâteau à la farine de châtaigne. Ah, la châtaigne. La châtaigne, il y en a partout. Elle est naturellement sucrée, sans gluten, et elle apporte des saveurs étonnantes. Et je vais vous faire une confidence. Moi, j'aime bien la châtaigne. Et puis, bon, n'oublions pas l'huile d'olive corse et la charcuterie corse, bien sûr, avec la coppa, le lonzu, une sorte de bacon, le prosciutto, un jambon cru, et le figatellu, une saucisse de foie. Ben, ce n'est pas tout, mais le reste, ben, vous le découvrirez sur place. PEFA, La Campa et Messagerie, si le disque veut bien démarrer. Due più di una vittoria, mi voglio meglio andare, mi voglio dove può sperare, dimmi la torna stasera, che la poe se verrà, la mia sola verità, io li fa umanità. Un cinepo e se guerre, sottuie il mio sedere, e così un po' più durato su me puoi gonfiare. Se noi siamo pronti a da, dimmi se noi siamo pronti a va, per fa la campa, per fa la campa, per fa la campa. Inventami una storia, chi può stare in la memoria, e per noi altri l'uvidia, un geludiaro da trua, e porta la tua bandiera in giro alla terra intera, e a suo pace ti darà quanto forza da girare. Ci ne veremo una festa, chi più rimus in testa, e i corri stanno a disare, per su noi ancora fa. Dimmi che noi siamo pronti a da, dimmi che noi siamo pronti a va, per fa la gamba, per fa la gamba, per fa. Siamo pronti a va, per fa la gamba, per fa la gamba, per fa la gamba. Troisième coup de chapeau à Patrick Fiori, et une chanson qui, à mon humble avis, aurait mérité sa place parmi les concurrents du concours de l'Eurovision l'année où il l'a sortie. Le matin de lumière, quand un ciel m'a fait roi, jardin de prière en un claquement de doigts, de secondes absentes en minutes éperdues, j'oublie toutes les heures du temps perdu, dans tes yeux, chaque jour, Patrick Fiori. Matin de lumière, quand le ciel m'a fait roi, jardin de prière, en un claquement de doigts, de secondes absentes en minutes éperdues, j'oublie toutes les heures du temps perdu, l'histoire nous emporte et prendra des détours, je veux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. Cœur dans les étoiles, faire comme si j'y étais. s'installe dans tout ce que je fais. Passé pas si simple, souvenirs imparfaits. Quand ton regard transforme tout ce que j'étais. Les mots, les silences nous bâtissent une tour. Je peux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. La Solanzara est un petit fleuve côtier qui se jette en mer tyrrhénienne entre Aleria et Porto Vecchio. La petite station balnéaire de Sari-Solanzara se trouve sur la côte des Nacres et ses paysages sont exceptionnellement préservés et le littoral offre des sites à couper le souffle entre les criques et les longues plages de sable doré. Solanzara, interprété par Francine Massiani et Louis Bertignac. Sur la plage de Solanzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantait dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solanzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. Militari con limonovi sa Que faut-il ramener de Corse ? Ah, un couteau corse ou couteau de berger. Oui, il fait totalement partie de la culture de l'île de Beauté. Bon, il est réalisé en carbone avec un manche en corne ou en nacre. Les bijoux de Corse, des bracelets ou des colliers en corail rouge pour repousser le mauvais sort. Les yeux de la Sainte Lucie, des opercules de coquillages nacrés, ils portent bonheur. Des savons artisanaux parfumés à la myrte, le mimosa, châtaigne, romarin, immortel, cédra, clémentine ou figue encore. Et de la vraie charcuterie corse, ah, la coppa, l'onzu, plissoutou et figatelou. Des fromages corses, bah oui, le bruscio, lui, il est difficile à transporter. Alors on choisira la tome corse, le casgiu minatou, la fameuse crème de vieux fromage corse. Et n'oublions pas les agrumes, les confitures et le miel, ritratou felis. Avons laissé le soin au dieu des chanteurs corses de conclure cette émission consacrée en grande partie à l'île de Beauté. Tino Rossi, né en 1907, nous a quittés en 1987 après avoir enregistré 1160 chansons. Son petit Papa Noël demeure le titre le plus vendu dans l'histoire en France. Chanteur de charme, acteur, vedette d'opérette et de télévision, doté d'un joli petit coup de crayon, il était également un grand amateur de peinture. Couvrant 2,5 octaves et présentant un timbre aux très riches nuances, sa voix exceptionnellement longue trouvait son origine dans une anomalie de ses cordes vocales. Et les médecins ORL s'étonnèrent que leur propriétaire puisse chanter. Allez, il va chanter, Tino. Ajaccio. Dans une vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio, dans la nuit toujours si belle, on entend des ritournelles, des bravos. Les touristes en balade écoutent les sérénades du pays. Et plus rien n'a d'importance quand une ancienne romance vous séduit. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Le temps passe comme un rêve, tour à tour chacun se lève pour chanter. Et l'on chanterait encore s'il ne fallait à l'aurore s'arrêter. Mais les cœurs de tous les Corses battent avec plus de force, de chaleur, quand s'élève l'Ajaccienne que pour finir le reprennent tous en cœur. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Ajaccio, Ajaccio, si Napoléon revenait près de sa maison. Ajaccio, Ajaccio, lui aussi chanterait sa chanson. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, pour nous avoir écoutés. Soyez les bienvenus sur notre page Facebook intitulée La cerise sur le canto Patchwork. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2. Ou sur le net, fagette.net en ligne. Mais auparavant, vous m'avez demandé des plaies Fagette. Ah, alors je vais vous les plaies à ma façon. F comme chanson française. Ah, il n'y a pas que ça, mais enfin, il y en a. A comme attention, ça décoiffe. J'y suis, j'y reste. E, au plat, à la coque, en beurette, ou tout simplement sur le canto. Et T, t'es sur la bonne radio. Allez, au revoir.